Migration, exode et capitalisme. Il s'agit d'un texte publié par Nantes Nécropole, qu'on retrouve sur leur blog, nantesnecropole.noblogs.org. C'est le blog du CNCA, le collectif nantais contre l'aéroport. Il a été publié le 23 mars 2017. Le voici donc. Nous assistons aujourd'hui à un phénomène d'exode plus ou moins massif d'habitants et d'habitantes de pays détruits par la guerre, par la misère ou la famine, par la violence répressive, ou bien souvent par le chaos dû à l'accumulation de plusieurs de ces facteurs. N'ayant guère d'autre choix, ces personnes prennent alors la route pour tenter de trouver refuge dans des endroits plus vivables. Ce phénomène touche tous les continents. Les pays riches et encore en paix sont le plus souvent le but à atteindre, bien qu'ils tentent généralement de refouler et de décourager par tous les moyens à leur disposition celles et ceux qui, tentant de survivre, se retrouvent sur ces routes de l'exil. On voit sur le blog une carte, une map monde, avec ce qui s'appelle l'arc des réfugiés, qui est assez impressionnant. C'est en fait des sphères sur les pays qui sont proportionnelles au nombre de personnes en besoin d'assistance humanitaire, réfugiés, déplacés, apatrides, demandeurs d'asile et certaines populations vulnérables. La source provient du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et effectivement, les plus gros cercles sont concentrés dans une sorte d'arc partant du centre de l'Afrique, énorme, et se développant sur tout le Moyen-Orient pour finir en pointe vers l'Indonésie, en plus petite proportion. Il y a aussi un autre énorme cercle au niveau de la Colombie. Vous pourrez le voir en allant consulter le site de nantesnecropole.noblogs.org. Je continue la lecture. Une histoire commune. Bien que les nouvelles sur le sujet en provenance des parties du monde éloignées de l'Europe occupent bien peu de place dans nos médias, cette situation d'exil est mondiale et découle d'une histoire commune. Elle est, en effet, la conséquence naturelle d'un passé et d'un présent entièrement dédié au développement du capitalisme, système économique hégémonique aujourd'hui adopté par toutes les grandes puissances mondiales. Depuis la découverte des autres continents par les pays européens, ce système économique et sa gestion par des banques a, petit à petit, secteur par secteur, territoire par territoire, fini par balayer ou pervertir toutes les autres formes d'organisation des peuples à travers le monde et les modes d'échanges commerciaux qui existaient avant lui, ainsi que les systèmes traditionnels de gestion des territoires ancestraux, et donc des ressources agricoles et minières. Les migrations massives d'aujourd'hui ne sont en fait qu'un aboutissement logique de ce développement commencé il y a des siècles, mais toujours en cours depuis, et toujours aussi gourmand et corrupteur. Après avoir découvert ces terres plus ou moins éloignées et accessibles, l'envahisseur occidental, bien armé et organisé, se les a appropriés, les a délimités arbitrairement et transformés en colonies afin d'en pomper les ressources. La décolonisation qui a succédé à cette période s'est opérée dans la douleur et sur fond de guerres dévastatrices et parfois fratricides. Dopé au profit monétaire gigantesque, l'occupant refusait de partir, et lorsqu'il y fut contraint, il laissa derrière lui un terrain économique et social miné, imposant aussitôt par la force, envoi de mercenaires, soutien de militaires, coup d'état téléguidé, déstabilisation, la mise en place de gouvernements à sa botte et institutionnellement corrompus. Ces pays se sont retrouvés sous la coupe de marionnettes despotiques, avides de pouvoir autant que de profit, traîtres et cruels envers leur peuple, et bien entendu manipulés à distance afin de continuer le pillage, tout en endettant le pays, Bokassa, Amin Dada, Mobutu, etc., etc., tout autant despotiques que leurs maîtres européens, puisque mis au pouvoir, puis soutenus par ceux-ci en toute connaissance de cause. Cette dette étant la garantie d'un assujettissement sur le long terme, ces pays ravagés, mais aux ressources naturelles encore nombreuses et alléchantes, ont été livrés pieds et poings liés aux multinationales et autres entreprises boursières basées aux quatre coins de la planète et toujours en cheville avec les anciens pays colonisateurs, aux desseins et stratégies toujours autant machiavéliques. Rares sont les ex-colonies qui s'en sont relevées et qui bénéficient depuis d'une véritable indépendance économique, avec une société stable, à peu près équitable et apaisée, comme les États-Unis et le Canada, qui ont fini par acquérir une vraie indépendance, mais où les populations originelles ont été pratiquement entièrement décimées et les survivants et survivantes bannis, parqués dans des réserves. Les pouvoirs se sont parfois déplacés, mais le système de spoliation des richesses est resté le même à peu de choses près, et la pression demeure pour empêcher tout changement majeur. Afin de garder le marché à son avantage et sous prétexte d'une bonne gestion des dettes et des flux de capitaux, l'Occident impérialiste a, entre autres, créé et imposé le FMI, institution décisionnaire, dirigée par de très hauts fonctionnaires, qui sont bien évidemment choisis avec soin. L'évolution du capitalisme ne cesse de s'adapter aux nouveaux marchés et ne cesse d'en créer et donc de créer ainsi de nouveaux besoins de consommation. Les nouvelles technologies demandent de nouvelles matières premières et les nouveaux marchés ouverts touchent à de plus en plus d'aspects dans nos vies. Les conséquences du partage et de la gestion du capitalisme du monde et la gestion capitaliste du monde ont fini par s'insinuer dans tous les échanges et même par perturber jusqu'aux plus infimes détails de la vie de l'ensemble des individus peuplant la planète, nous reliant les unes aux autres par des liens d'intérêt et de dépendance très solides et serrés, tels des laisses tenues par le pouvoir de l'argent. Les brevets sur le vivant et les politiques agricoles arbitraires imposées par des accords internationaux, accord entre guillemets, sous la direction d'entreprises telles que Monsanto, pour ne citer qu'elles, font bien entendu partie de l'arsenal commercial intrusif. Ce sont des armes de destruction massive des sociétés et des vies humaines au service du capitalisme moderne. Il est primordial de reconnaître et de considérer que ce phénomène planétaire, qu'est l'exil des peuples, est une conséquence directe de la colonisation et du développement de la financiarisation du monde, et qu'il a commencé il y a bien longtemps avec la traite et l'exploitation d'êtres humains réduits en esclavage et déshumanisés pour être transformés en marchandises. Bien que l'esclavage soit une pratique ancestrale d'exploitation dans de nombreuses civilisations, son développement massif à l'époque du commerce triangulaire est un des premiers jalons importants du développement du capitalisme mondial. En France, avec La Rochelle et Bordeaux, Nantes y tenait une place privilégiée et s'est très grassement enrichie et développée grâce à lui. En simplifiant un peu, voici son déroulement. Trois marchandises pour trois étapes, à savoir des armes, accompagnées par d'autres denrées européennes appréciées en Afrique, étaient embarquées dans un des ports de la façade atlantique. Une fois déchargées dans les comptoirs africains, des hommes et des femmes, enlevés en Afrique et réduits à l'état d'esclavage, remplaçaient cette première cargaison et étaient déportés outre-Atlantique. Puis, retour des navires vers l'Europe, remplis des productions obtenues dans les plantations grâce au travail forcé des esclaves qui avaient survécu à leur traversée de l'océan. Ces productions, sucre, coton, cacao, etc., étaient revendues sur le vieux continent. Et une partie des bénéfices était réinjectée afin d'armer de nouveaux navires, les navires qui repartaient, lestaient des armes et des objets d'échange à destination des chefs africains, en commerce étroit avec les marchands européens, soutenus et armés par eux. Facteur d'enrichissement sur du très long terme, ce commerce continue encore aujourd'hui d'alimenter la finance internationale, et ce, au travers de guerres mondiales et de déplacements de lieux des pouvoirs économiques. Politique opportuniste, politique de situation. Les gouvernements occidentaux d'aujourd'hui ont beau déclarer être favorables à des politiques émancipatrices à tendance vertueuse, ils continuent néanmoins de surfer sur cette vague capitaliste hautement contagieuse et corruptrice qui semble sans fin et à laquelle ils sont soumis. Ils rêvent sans cesse de développement et de croissance, de nouvelles ouvertures de marché et d'accumulation de richesses encore et encore, comme pris dans une spirale infernale. Et chaque individu de la planète est devenu un potentiel d'enrichissement pour des entreprises qui apparaissent de plus en plus comme des nébuleuses incontrôlables et intouchables. Pour qui a le malheur de naître et vivre au mauvais endroit, au mauvais moment, la vie ne vaut alors pas bien cher, et son potentiel de rentabilité a vite fait de disparaître et de le ou la transformer alors en laissé pour compte. Sa capacité à survivre dépendra de sa capacité à fuir loin par tous les moyens à sa disposition. Bien que tout ceci puisse tenir du lieu commun, il demeure néanmoins flagrant que le capitalisme reste à la base, que le capitalisme reste la base à attaquer si l'on désire vraiment stopper cette hémorragie destructrice qu'est l'exil des peuples. À ce jour, bien qu'un grand nombre d'études universitaires d'analyse sociétale pointues menées par des personnalités reconnues dénoncent clairement et preuves à l'appui cet état de fait, aucun gouvernement n'accepte ces points de vue et ne remet réellement en cause son propre fonctionnement destructeur. Ils appliquent au final des politiques injustes, inhumaines et potentiellement dangereuses pour la paix globale à plus ou moins long terme. Les migrants et migrantes, qui en sont les premières victimes, sont paradoxalement stigmatisés et considérés par beaucoup comme des envahisseurs, indésirables, regardés de travers, voire malmenés, avec plus ou moins d'acharnement, par certains des autochtones, des pays traversés à la xénophobie croissante. Cette xénophobie est bien souvent encouragée insidieusement. Les pouvoirs en place, trop heureux de trouver des boucs émissaires et des Les pouvoirs en place, trop heureux de retrouver des boucs émissaires et des diversions afin de dissimuler leurs intérêts réels et leur véritable objectif, qui est l'enrichissement de quelques-uns et une, dont eux, bien entendu, aux dépens du plus grand nombre, n'hésiteront pas à exacerber et à instrumentaliser la paranoïa et la toujours latente peur de l'étranger de leur gouverner. Cela justifiera même leur politique sécuritaire. L'histoire se répète, et les ficelles utilisées pour manipuler les masses, aussi grosses soient-elles, restent les mêmes au fil des temps. Étant toutes et tous issus de déplacements de population, le discours identitaire de certains partis de droite est un ramassis d'arguments non recevables, basés sur la peur, l'ignorance et une ambition aveugle et démesurée, qui explique sans doute une propension systématique du recours à la violence et leur malhonnêteté maladive. Venus de la droite, ces arguments n'ont rien d'étonnant, mais si certains partis de gauche disent s'en désolidariser, ils n'hésitent pourtant pas à ordonner des rafles et d'autres coups bas. Cette actuelle immigration ne manque pourtant pas, comme tant d'autres avant elle, d'apporter de la main-d'œuvre bon marché à certaines entreprises des plus respectables tout au long de sa route. De par sa clandestinité subie, cette main-d'œuvre est corvéable à merci et utilisable à toute fin et à tout appétit. Sans grand soutien et sans droit, elle est sous menace permanente d'expulsion, de sévices ou d'enfermement. Ces personnes en exil servent aussi parfois de monnaie d'échange ou de levier dans des négociations internationales. Un des exemples qui illustre très bien cette instrumentalisation est celui de la Turquie, véritable prison pour migrants et migrantes, qui se sert de la menace de l'ouverture de ses frontières vers l'Union européenne comme chantage à toute tentation de l'Europe de se mobiliser contre les agissements liberticides et les exactions de son actuel président, dictateur Recep Tayyip Erdogan. Le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, s'est trouvé là un allié complice de taille. Et pour le peuple kurde de Turquie, la perspective de devoir tout abandonner et de rejoindre le flux des exilés afin de fuir les pogroms et les exactions déjà en cours et en tout genre, se précise de plus en plus. des camps de rétention un peu partout. Le HCR et nombre d'organisations internationales pour tenter de diminuer et maîtriser ce flux migratoire ont mis en place et contrôlent d'immenses camps qui peuvent parfois accueillir, entre guillemets, plusieurs centaines de milliers de déracinés. Il existe beaucoup de ces camps disséminés dans de nombreux pays africains, rien que sur ce continent. 10,4 millions de personnes ont été recensées en 2013. Il en existe aussi, plus ou moins nombreux et bondés suivant les pays, dans certains pays du Moyen-Orient, au Pakistan, en Inde, en Chine, en Malaisie, au Japon, en Colombie, à Haïti, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Australie, etc. Point de suspension. Bref, en réponse à l'internationalisation du capitalisme, il en existe partout. Certaines des personnes qui y vivent, ou plutôt y survivent, peuvent y séjourner des dizaines d'années. Certains et certaines y naissent, et d'autres y meurent. La durée moyenne des séjours dans certains camps africains étant de 17 ans. Ces innombrables camps bénéficient de nombreuses appellations. Centres de rétention administrative, camps de réfugiés, zones d'implantation de camps de travailleurs. Lorsqu'il ne s'agit pas de camps de travailleurs et travailleuses, sorte de vastes réserves de main-d'œuvre à pas cher, l'existence de ces camps de rétention, principalement motivés par une politique d'éloignement de nos frontières, l'est aussi par la prévention de possibles révoltes qui pourraient nuire au marché et pillages en cours par les multinationales, comme par exemple dans le cas d'expropriation due aux politiques compensatoires issues des sommets environnementaux internationaux. Gestion de la crise de part et d'autre. À ce jour, le flux humain de déplacés est donc « géré » entre guillemets sans état d'âme, de la même façon qu'il a été créé avec la même inconséquence. En Europe, le bras armé et dissuasif, allié au HCR et chargé de repousser l'envahisseur, se nomme Frontex. Au fil des ans, cette structure a fini par bénéficier de subventions internationales vertigineuses, indécentes. Toujours croissantes, elles permettent un soutien logistique des plus pointus et modernes, traque, identification et fichage, renvoi au loin. Les États européens ont fini par fournir à Frontex un statut de totale autonomie, l'autorisant ainsi à faire ses propres achats logistiques et de décider de ses recrutements, formations, stratégies et actions. Frontex s'affranchit ainsi des frontières et des douanes les pays quand ses activités sont trop scandaleuses et choquantes aux yeux de l'opinion. Elle traite aussi directement avec les dirigeants des pays de départ des migrants et avec ceux des pays traversés. On ne peut qu'être inquiet et inquiète de l'évolution de cette structure au pouvoir assez flou, bien que très étendu. Les gigantesques sommes d'argent allouées à Frontex par les États pour éloigner ou tenter d'éviter l'afflux d'exilés témoignent bien du soin apporté par les pouvoirs publics afin de renier les conséquences de leur politique internationale. Quant à l'autonomie autorisée, elle témoigne de leur lâcheté et de leur démission sur le terrain. Que dire du cynisme que représente cette débauche de moyens, utilisée non pas pour réparer des vies qu'ils ont brisées par leur guerre ou leur avidité, mais bien pour les rejeter et les détruire un peu plus. Face aux difficultés rencontrées, il n'est pas inutile de rappeler le courage et la résistance dont les exilés doivent faire preuve sans relâche. Malgré tout, pour beaucoup de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants qui se retrouvent sur des routes jalonnées par la haine, le mépris et le rejet, la violence rencontrée sera décisive et leur vie s'arrêtera là. Ils et elles disparaîtront alors sans laisser de traces autres que des souvenirs inscrits dans la mémoire de leurs compagnes ou compagnons de route, ou de leurs proches restés au pays ou déplacés dans des camps, mères, pères, frères ou sœurs, ou même enfants, qui en silence attendent et toujours attendront. Nulle sépulture ne témoignera de leur présence sur cette terre et de leur périlleux cheminement, ni de leur disparition, pas plus que des causes de cette disparition. Pour certains et certaines, une fosse commune creusée clandestinement par les pouvoirs locaux, dissimulée dans un terrain vague quelconque, sera la dernière demeure. Pour d'autres, c'est la mer qui s'en chargera. Ces fins tragiques et anonymes sont pour chacun et chacune le résultat d'un crime et non d'un accident, ni d'une maladresse ou de la fatalité. Mort violente ou mort lente, leurs causes premières sont toujours criminelles. En France, en dehors des ONG officielles, parfois réellement utiles mais dont les migrants doivent sans cesse se méfier s'ils ne veulent pas finir parqués comme des bêtes exploitées ou pire, les actes solidaires sincères, c'est-à-dire sans volonté d'exploitation ou d'instrumentalisation politique, sont globalement réprimés et interdits. Lorsque pour certaines ONG ou structures religieuses ou citoyennes, ils sont autorisés, c'est pour tenter de rattraper le coup et de pallier aux graves défections des États. Alors, les associations et collectifs sollicités devront se montrer très coopératifs avec les pouvoirs en place et leur obéir au doigt et à l'œil. Il leur sera ainsi demandé de surveiller, ficher, dénoncer. Parallèlement aux structures reconnues, dans tous les pays traversés, des individus ou des collectifs militants se mobilisent coûte que coûte, plus ou moins clandestinement, afin d'aider les exilés. Ces efforts sont parfois salutaires, mais hélas largement insuffisants. Internationalement, les sbires armés, garants de la loi, en uniforme ou pas, tout comme les tribunaux et les services d'immigration, sont là à quelques exceptions près, dramatiquement bornés et malveillants, et peuvent aller jusqu'à être cruels et sadiques. Couverts, et même quelquefois encouragés par leur hiérarchie, avilis par leurs fonctions répressives, ces services administratifs et de police n'hésiteront pas à maltraiter physiquement et ou psychologiquement les migrants et les migrantes à leur merci, ainsi que leurs soutiens locaux indésirables. Dans une bien moindre mesure cependant, tout du moins en France. Bien que l'exode migratoire et l'hécatombe qui grandit chaque jour sont de plus en plus médiatisés et sur le devant de la scène du grand théâtre des déclarations politiques, au point même qu'ils deviennent un sujet quasi banal dans la bouche des élus en place pour en devenir sujet rabâché, postillonné, mâché et recraché chaque jour sans pudeur ni complexe, aucune autre perspective que cette hécatombe et que la répression qui la ponctue n'est envisagée. Le fond du problème n'est jamais abordé. Les discours simplistes et les promesses fallacieuses ou tout bonnement menaçantes sur la gestion de ces situations complexes de migration humaine ne serviront jamais qu'à aggraver durablement la situation et non à régler quoi que ce soit. Le marché des bombes. Parallèlement à la production de misère par le capitalisme, il est bien évidemment indispensable de produire d'énormes et croissantes quantités d'armements divers et variés. Le marché qui en découle est des plus juteux et l'utilisation et la dissémination de ces arsenaux, au-delà d'être une force d'assujettissement, est une menace sans cesse plus précise d'un chaos, voire d'un anéantissement généralisé. Les intérêts qui unissent les marchands d'armes aux investisseurs internationaux sont indissociables et complémentaires. Les assistanats, les guerres ou tout autre conflit meurtrier ne sont que les pendants des fortunes accumulées par ces grands prédateurs. Avenir ? S'il doit arriver, loin est ce jour où les déséquilibres déstructureurs délibérément créés et entretenus se réduiront. Loin est l'événement d'un monde et l'avènement d'un monde où les individus auront enfin compris que l'enrichissement à tout prix est synonyme de misère, de mort et de la perte généralisée de notre humanité, comme de la destruction croissante des chances de survie de l'espèce humaine sur cette terre. Seule la lutte, la solidarité et l'information peuvent changer la donne, et il faudra se battre encore longtemps avant que ne soit reconnue la vraie valeur de la vie, une valeur non monnayable. tant que le mot d'ordre général sera l'enrichissement à tout prix et la marchandisation des vies et des êtres, des millions de personnes se retrouveront sur les routes, car l'exil sera pour elles la seule solution envisageable. Dit autrement, si, comme le capitalisme l'induit inévitablement, l'optique principale de l'organisation de nos sociétés est de nous enrichir les unes et les uns sur le dos des autres, si c'est ce à quoi en sont principalement réduits nos rapports sociaux, qu'ils soient proches ou planétaires, si c'est là l'unité d'évaluation commune de la valeur de nos vies et leur finalité concrète, hormis une remise en question radicale de notre vision du monde et de notre attitude envers les autres, qui, au même titre que nous, l'habitent, rien ne pourra dévier notre trajectoire d'un chaos complet et peut-être définitif, qui passera encore, pour beaucoup d'entre nous, par la case exil. Plus on s'enfoncera dans l'actuel fonctionnement du monde et plus rares seront les endroits sur la planète qui pourront prétendre à une paix durable et au confort d'une sédentarisation sereine basée sur des relations ouvertes. Les perspectives pour évoluer globalement vers un monde viable et vivable imposent aussi de sortir du schéma préétabli en vigueur d'appartenance à un territoire où chaque frontière est une négation de l'autre. La fierté de garantir la survie et la sécurité de cet autre, et donc à terme de la sienne propre, va fatalement devoir passer devant celle d'appartenir à une nation aux frontières définies par des guerres et des tueries. C'est le consensus global sine qua non pour un équilibre durable, et même au rythme où vont les choses, pour un avenir, tout simplement. Il y avait un renvoi à une note de bas de texte que je vous lis. Un exemple parmi tant d'autres de l'hégémonie du capitalisme d'hier qui se perpétue dans nos habitudes de la vie actuelle est notre dépendance au sucre. Grâce au commerce puis au travail des esclaves, les exploitations sucrières ont très vite proliféré outre-Atlantique. Le marché du sucre a alors explosé en Europe. Et ce produit issu des plantations s'est alors imposé dans la vie des Européens et Européennes qui précédemment vivaient très bien sans. Et depuis, chaque jour, nous sommes des actrices et des acteurs de ce marché directement hérité du commerce triangulaire, consommateurs et consommatrices plus ou moins volontaires et plus ou moins victimes et coupables à la fois. Car si l'esclavage est censé avoir disparu, les conditions de travail autour de la canne à sucre ne sont toujours pas équitables, loin s'en faut. Mis à part la mécanisation, elles n'ont guère évolué, en fait. L'enrichissement de quelques-uns et quelques-unes est toujours dû au sacrifice de vie, de travail acharné, très mal rémunéré et dans de très dures conditions pour les travailleurs et travailleuses qui n'ont pas d'autre choix. Voilà, c'était donc un texte de Nantes Nécropole, paru sur le blog du CNCA, le collectif nantais contre l'aéroport, que vous pourrez retrouver donc sur leur blog, donc https://nantesnecropole.noblogs.org. Ce site est des fois difficile à obtenir en passant par un navigateur comme Mozilla, etc. Il ne pose par contre aucun problème, c'est le problème hein, de Noblogs. C'est souvent un peu cafouilleux sur les navigateurs courants. Par contre, il n'y a aucun souci, que ce soit sur Tor ou sur les smartphones. Donc je vous redonne l'adresse. https://nantesnecropole.noblogs.org.